Bon, là, c'est un titre de consultant personnel que je vais vous voir parce que j'ai un problème, un autre problème. C'est que je suis bien souvent invité par des couples, au moins une bonne cinquantaine à date, avec mon épouse, et puis on va voir d'autres couples dans des soirées qui se veulent agréables, etc. Et puis, j'ai toujours le même problème. Il faut vous dire que je suis à peu près sur la liste noire d'une cinquantaine de couples dans Montréal, parce que je peux pas résister au fait de me mettre les pieds dans la vie des autres. Et cette ingérence-là, elle est repoussée brutalement à chaque fois. Puis je m'aperçois que c'est toujours une affaire de territoire psychique. Quand je suis invité chez quelqu'un, chez un couple, je vois qu'il y en a toujours un qui prend tout le plancher, au détriment de l'autre qui est totalement effacé. Puis curieusement, là, je vais me faire des amis encore, c'est partout où j'arrive, c'est toujours la femme qui prend tout le plancher. Et le bonhomme qui est écrasé, c'est quand même. Alors qu'en principe, on aurait tendance à dire, bon, c'est le bonhomme qui prend la place et puis la femme qui s'écrase. Non, pas dans mon cas. Là où je vais, c'est le contraire. Ça fait qu'à chaque fois, je le relève, ça, je le monte en aiguille un petit peu, et puis là, le feu prend en poudre, puis ça éclate. Puis ça fait que je suis rejeté, je suis plus réinvité une deuxième fois, en général. Alors moi, j'aimerais connaître votre attitude à vous lorsque vous êtes invité, dans un couple comme ça pour une soirée, que vous voyez qu'il y en a un qui manifeste, qui manifeste, qui manifeste tout le temps au détriment de l'autre, qui est totalement effacé. C'est un peu comme si dans l'appartement, il y avait un pachyderme, là, un éléphant, puis une petite souris quelque part. Qu'est-ce que vous faites? Je vais vous dire, pour répondre d'une façon franche, j'accepte pas d'invitation, moi. Les seules personnes que je fréquente, sur le plan familial ou sur le plan du couple, ce sont des gens que je connais depuis plusieurs années, des gens qui nous connaissent bien, mais je socialise très peu. Je vais chez ma secrétaire, son mari. Je suis allé chez vous une fois, je crois. Oui. Et c'est tout. C'est bien agréable. Je ne socialise pas. Si vous me demandez pourquoi je socialise pas, je vous dirais que si je socialisais avec mon épouse chez des gens, je veux avoir du plaisir. Je suis pas intéressé à aller chez des gens, visiter des gens et vivre le phénomène de ma personne publique. Je veux aller chez des gens, chez des travailleurs, chez des professionnels et écouter. Me faire dire des choses que les autres font. Mais pour des raisons d'énergie, pour des raisons même d'évolution sociale, je ne peux pas encore bénéficier ou avoir le plaisir d'aller chez quelqu'un et participer agréablement à leur expérience. Parce que les gens me connaissent, les gens savent que j'ai des facultés extrasensorielles, ainsi de suite. Et on m'invite à leur parler d'eux, même, de leur vie. On n'est pas capable d'éliminer, de tuer le Bernard de Montréal et d'inviter un bonhomme avec sa bonne femme, comme le monde font, là. Je n'ai pas d'amis. J'ai beaucoup de personnes que je connais, mais je n'ai pas d'amis. D'ailleurs, c'est un des grands dilemmes de ma vie avec ma femme. Je voyage beaucoup. Donc, dernièrement, j'étais dans le sud et pour une raison ou une autre, c'est encore pour des raisons d'énergie,